plus ça merde, plus on est content. Plus ça merde, plus on est content. Vous êtes comme une bagnole, vous avez deux cailloux. Personnellement, je travaille, je touche 1600 euros tous les mois. Je peux me payer mes impôts, je paye comme vous mes impôts tous les mois. Je travaille comme un honnête citoyen, je suis français. J'ai ma carte d'identité française. Qu'est-ce qui se passe? Je prêche, madame la France, c'est à toi que je m'adresse. Je te parle au nom de toutes ces personnes que t'agresses. Tous ceux qui meurent de faim pendant que tu t'engraisses. Ceux qui luttent pour quelques pièces alors que toi tu vis à l'aise. Et je dis madame parce que c'est sûr que t'es une femme. Toujours en stress au bord des larmes, tu fais de rien pour que tu t'enflammes. État du vice, on la connaît ta devise. Liberté, égalité, fraternité, qu'est-ce que t'es bonne actrice. Tu m'as vu naître, pourtant t'as voulu me la mettre. Moi je faisais moins d'un mètre quand j'ai compris les mots sales nègres. Tu voulais que je m'intègre, merde, moi je suis né ici. Et comme ma mère, je ferai tout pour pas gagner ici. Beaucoup espèrent et très peu réussissent. Origine étrangère égale sportif ou artiste. C'est triste, je représente ta patrie en crise. Car dans l'incompréhension, les dialogues s'anéantissent. France, on se demande à quoi tu penses. Tu te fous des conséquences, on est dans la merde et toi tu danses. France, en fait c'est madame ou mademoiselle. Toi tu dépenses et moi je taffe, alors donne-moi du zèle. France, joli prénom, dommage que tu sois blonde. Pourquoi t'aimes pas les personnes dans mon genre? Je te jure que je trouve ça con. France, je me sens étranger, pourtant je suis né ici. Moi c'est 9-7 un Guada et 9-1 Massy. Fermer les yeux ne veut pas dire passer l'éponge. Ça fait longtemps qu'on pose des questions, mais toujours pas de réponse. Miss, quand on insiste, tu nous envoies ta police. Et comme la justice est aveugle, les politiciens applaudissent. Ils veulent qu'on ferme nos gueules et qu'on agisse comme ils le disent. Et toi France, peux-tu me dire qui te maîtrise? Je te parle au nom des jeunes des banlieues que tu méprises. Plus de respect pour une mère qui rejette ses petits. Seras-tu réceptive à mes cris? Je crois pas en fait toi, tu préfères quand ça m'écraille. C'est grave France, tout pour les sous et t'en oublies les souffrances. Tu fais la sourde, pourtant tu sais ce que tous pensent. Plein steak sous substance signé petit Renoir que je suis mec et bien des tests où faut que ça brûle pour que t'oublieuse. Catalogué banlieusard, donc mal vu. Je représente ta face cachée et j'en suis navré. France, on se demande à quoi tu penses. Tu te fous des conséquences, on est dans la merde et toi tu danses. France, en fait c'est madame ou mademoiselle. Toi tu dépenses et moi je taffe, alors donne-moi du zèle. France, joli prénom, dommage que tu sois blonde. Pourquoi t'aimes pas les personnes dans mon genre? Je te jure que je trouve ça con. France, je me sens étranger, pourtant je suis né ici. Moi c'est 9-7 un Guada et 9-1 Massy. La liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Exemple, y'a la France d'en bas et y'a la France d'en haut. En haut ça guette mal, de bas en haut, en bas on s'en bat. On se tape des barres sur ceux qui regardent de haut. Regarde un peu en bas, c'est de nous prendre de haut. C'est pour qui qu'on se bat quand on représente nos halls. T'as créé les tests, mais tu les détestes. Les mots propices sont délaissés, synonymes de détresse. Ici on vit malgré tout, donc on est balèze. Enlève le A et L après le B, quand les keufs nous testent, on les... Nous les Molières de l'an 3000. Dans le futur ton président s'appellera Youssouf ou Amine. J'suis illégal après chaque spliff allumé. Mais tu trouves ça normal que dans tes caves y'a des bonnes cuvées? J'répète comme tout le monde que la mèche est allumée. Et si tu restes en paix c'est juste qu'on a le calumé. France, on se demande à quoi tu penses. Tu te fous des conséquences, on est dans la merde et toi tu danses. France, en fait c'est madame ou mademoiselle. Toi tu dépenses et moi je taffe, alors donne-moi du zèle. France, joli prénom, dommage que tu sois blonde. Pourquoi t'aimes pas les personnes dans mon genre? Je te jure que je trouve ça con. France, je me sens étranger, pourtant je suis né ici. Moi c'est 9-7 un Guada et 9-1 Massy. Plus ça merde, plus on est content. Tu nous mets pas l'assistance sociale. Vous savez, dans 5 minutes vous avez cramé une bagnole, vous avez dansé deux cailloux. Personnellement je travaille, je touche 1600 euros tous les mois. Je peux me payer mes impôts, je paye comme vous mes impôts tous les mois. Je travaille comme un honnête citoyen, je suis français. J'ai ma carte d'identité française. Bah qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui change entre un fonctionnaire de police et moi? Vous me dites. Bon voilà, comment voulez-vous qu'on se calme? Plus ça merde, plus on est content. Je vous ai pas traité d'âle. On a le droit de squatter là, on est en bas de chez nous. Je vous ai juste dit que vous étiez sur la voie publique, il fallait avoir une pièce d'identité. Maintenant si vous comprenez pas ce que je vous dis.